إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلسنا الثاني إن شاء الله في الحديث وفي الكلام عن فاروق، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سنتخو دوزيام سيزن autour de la biographie de Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. قال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا الله ما عاهدوا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Il dit dans le verset, il est des croyants hommes qui était véridique avec le pacte, dans le pacte qu'ils ont pris envers Allah subhanahu wa ta'ala. Certains sont morts, d'autres attendent, ils n'ont rien changé, فهؤلاء الرجال الذين صدقوا الله ما عادوا عليه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه. Ces hommes qui étaient véridiques dans le pacte qu'ils ont pris envers Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a choisis pour être les compagnons de son messager alayhi salatu wassalam, et pour faire triompher sa religion. فصحابه رسول الله أمرهم أمر عظيم. Les nobles compagnons de Muhammad alayhi salam, leur situation est une situation qui est géante, qui est très importante. والصحابي أخ الإسلام مفهوم الصحبة في اللغة العربية هو كل من صحب غيره تنطبق عليه اسم الصحبة، سواء قلت مدة الصحبة أو كثرت. هذا في اللغة. Au niveau de la signification du terme sahabi en arabe, qui est sohba, qui est le fait d'être en compagnie de quelqu'un, c'est le fait d'être en compagnie de quelqu'un, que ce soit à long terme, pendant beaucoup de temps, ou pendant un laps de temps qui est très court. Tout ça rentre dans la compagnie, dans le fait d'être compagnon de quelqu'un. Lakin, sahabi, fi l'istilah, عند العلماء, اختلف العلماء في تعريفه. والقول الراجح كما قال أئمة الحديث هو ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه على النخبة، في النخبة، فقال: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة على الأصح. Au niveau de la terminologie, du lexis, et des termes qu'on emploie dans la religion et dans le hadith, les hommes de science dans la définition du mot sahabi ont eu des divergences. La parole la plus forte, c'est celle que met Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dans son livre Nukhba, qui est un livre qui est consacré aux sciences du hadith. Il dit, le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète alayhi salatu wasalam et qui a cru en le prophète alayhi salatu wasalam, même si durant sa vie, où il a cru en le messager alayhi salatu wasalam, il y a eu un laps de temps où il a apostasie. Hein? Enfin, ça, c'est le compagnon. Ça veut dire qu'avec le terme, il a rencontré, rentre l'aveugle aussi. Hein? Rentre l'aveugle, c'est parce que l'aveugle a eu la rencontre. Hein? Que ce soit l'aveugle de naissance ou l'aveugle qui voyait avant et qui ne voyait plus. Les deux rentrent dedans. Contrairement à une autre définition qui dit, c'est celui qui a vu. Et dans ce cas-là, l'aveugle n'a pas vu. Et donc c'est pour ça que les hommes de science disent la définition la plus forte et qu'ils mettent en avant, c'est celle qu'il a donnée Ibn Hajar, où il dit, le compagnon, c'est celui qui a rencontré le messager et qui a cru en lui. Le terme qui a cru en lui fait sortir qui? Celui qui a rencontré le messager et qui n'a pas cru en lui. Sort le mécréant. Et les mécréants, ils ont rencontré Rasulullah. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont des compagnons? Abadan. Pour ça, que il a dit, celui qui a rencontré le prophète et qui a cru en lui, sort, rentre dedans dans l'aveugle, il sort de cette définition, qui a cru en lui, le mécréant. Le mécréant, quand il a rencontré le Rasulullah alayhi wa sallam, ben il n'est pas un compagnon. Si maintenant, après la mort du prophète alayhi wa sallam, il a cru, ben il ne sera pas un compagnon parce qu'il l'a vu. Hein? Donc, c'est vrai, les hommes de science disent, celui qui a rencontré le prophète alayhi wa sallam et qui a cru en lui et qui est mort sur l'islam. La compagnie lui reste et est considérée comme compagnon. Même si durant sa vie, il y a eu un laps de temps, il a apostasie. Il y a des gens qui ont apostasie. Et après, ils sont revenus. Mais la parole la plus forte, c'est que celui qui a apostasie un laps de temps et qui est revenu à l'islam, le terme de compagnon lui reste collé. Il sera toujours compagnon. Hein? Ça, c'est la terminologie du terme compagnon dans le lexique des hommes du hadith. Rahimahullah ta'ala. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yubayyin lana minhum as-sahaba radiyallahu anhu. Ibn Mas'ud nous montre qui sont les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam. Yaqul radiyallahu anhu arda mubayyin lana at-tariq, tariq an-najat wa tariq al-istiqama wa tariq as-sirat al-mustaqim. Yaqul man kana mustannan falyastanna biman qad mat. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. Il nous montre, radiyallahu anhu wa arda, la voie à prendre, la droiture à prendre, et la voie sur laquelle il faut être, et la voie à laquelle il faut se cramponner. Il dit, celui qui veut prendre un chemin, qu'il prend le chemin de ceux qui sont morts. Qui parle? Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda. Il parle à quel moment? À un moment, à une période qui a reçu les éloges minallah azza wa jal, et il dit, celui qui veut prendre un chemin, qu'il prend le chemin de ceux qui sont morts, c'est-à-dire les nobles compagnons Muhammad et ses nobles compagnons radiyallahu anhu arda. Car le vivant, on n'est pas sûr qu'il va pas tomber dans une fitna. Le vivant, on n'est pas sûr qu'il va pas tomber dans la fitna. Et il dit, wa yaqul ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, ceux-là, c'était les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam. C'est-à-dire, il nous appelle à quoi? À suivre ces nobles compagnons, radouanallah alayhi. Yaqul, kanu wallahi, afdala hadi l'ummati wa abarraha quluban. Il dit, radiyallahu anhu wa arda, il n'avait pas besoin de faire le serment. Par Allah, ils étaient les meilleurs de cette communauté. Et ils avaient les cœurs les plus dévoués. Ils avaient la science profonde, ça veut dire qu'ils avaient une grande science. Et ils s'imposaient peu de ce bas monde et ils n'allaient pas aux extrêmes non plus. Et il dit, ce sont des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour l'accompagner de son messager alayhi salatu wasalam et pour accompagner son messager alayhi salatu wasalam. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم. sont des gens que Allah subhanahu wa ta'ala choisit pour accompagner son prophète alayhi salatu wassalam et pour accomplir sa religion. Reconnaissez-leur leur valeur et leur vertu et leur place et la place qui leur est due. وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ et suivez-les à la trace. وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَدِينِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ. Il dit, et cramponnez-vous à ce que vous pouvez parmi leur comportement et parmi leur religion. Cramponnez-vous à leur comportement, à ce que vous pouvez de leur comportement et de leur religion, car ils étaient sur la voie droite. Radiyallahu anhu wa'arda. Donc pour être sauvé à l'islam, tu dois mettre en application ce conseil d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit d'Abdullah ibn Mas'ud, celui qui veut apprendre le Coran frais comme il est descendu, qu'il le prend chez le fils de Umm Abd, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, Abu Abdurrahman, radiyallahu anhu wa arda. Et lui, il te dit, cramponne-toi à la voix des nobles compagnons, radiyallahu anhu, pour être sauvé. Et je vous le rappelle, comme on l'a dit tout à l'heure, la réforme qu'on cherche, et que cherche le monde maintenant, et la jeunesse à travers le monde, s'il ne passe pas par la voie des nobles compagnons, il n'y aura pas de réforme. Abedin. Si ça ne passe pas par la voie, et ça ne se fait pas selon les principes et les fondements sur lesquels ils étaient les nobles compagnons de Muhammad, il n'y aura pas de changement. Qu'on le veuille ou non, c'est la sunna d'Allah. On est conditionné. Nous, ce n'est ni la démocratie, ni le gouvernement du peuple par lui-même qui va faire notre changement. Ce qui va faire notre changement, c'est de revenir à la voie sur laquelle était Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiya, Abu Huraira et les autres. C'est tout. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se cacher la face. Il faut regarder la réalité en face. Sinon, comme il a dit le messager, alayhi salam, sallallahu alaykum, vullan, la yelziyu ankum, hatta tarji'u ila dinikum. Sinon, on va être, comme il a dit le véridique, qui n'a dit que la vérité, alayhi salam, Allah va vous rabaisser jusqu'à, il va vous rabaisser, vous mettre au plus bas degré, et vous allez être relevé de là, vous allez pouvoir vous relever de situation de rabaissement, quand vous revenez, vous allez revenir à votre religion. Il ne faut pas croire que le fait de revenir à la religion est quelque chose de facile. Certes, il est facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité. Parce que, regarde bien la phrase du prophète alayhi salam, hatta tarji'u ila dinikum al-kaf, ici. Regarde bien ce que dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Le vôtre ici est très important. Dis-toi bien, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé, il s'est adressé à quelqu'un devant lui. Il s'est adressé à qui? À moi et à toi? Abedin. Jusqu'à vous revenir à votre religion. C'est-à-dire, les hommes de science disent, le message il est à nous pour revenir à la maison. Il n'y a pas de problème. Mais quand il a parlé, il s'est adressé à des gens qui étaient en face de lui. Qui avait en face de lui? Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, les compagnons. Donc ça veut dire, si on veut sortir du rabaissement et on veut avoir la réforme complète et le changement qui va nous amener vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut revenir à la religion sur laquelle étaient les nobles compagnons de Allah. Ali. Clair et net le message. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « Taraktukum ala al-bayda » Laylaha kanahariha la yazighu anha illa hadik. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a été clair. Il a dit, je vous ai laissé sur une voie claire. Ne divisez de cette voie que celui qui cherche sa perte. Si on veut être sur cette clarté, il faut se pencher sur la vie de ses nobles compagnons et se cramponner à leur voie et les suivre. Wa mimma la shakka fi akha al-islam عند أهل السنة والجماعة وعند أتباع السلف رضوان الله عليهم أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر هو الفاروق. يتفرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الرجل الذي فرق الله به بين الحق والباطل il y a aucun doute chez les gens de la salafia et chez les gens qui suivent à l'unanimité la sunna qui sont sur la sunna et sur la voie de leur plusieurs il n'y a aucun doute que le meilleur des hommes après le prophète alayhi salam et après Abu Bakr dans cette communauté c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu arda l'homme avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a fait la différence la séparation entre le bien et le mal entre le faux et le vrai radiyallahu anhu arda qu'on déplaise à Rawafid يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه إن كان إسلام عمر لفتحا وهجرته لنصرا وإمارته رحمة والله ما استطعنا أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر رضي الله عنه وارضاه فلما أسلم عمر قاتلهم حتى دعونا فصلينا Abdullah ibn Mas'ud te montre qui c'est Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala. Des hommes qui avaient des vertus. Et tu es obligé de connaître les vertus de ces nobles compagnons. Voir comment, pourquoi ils sont arrivés à ce degré-là. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a fait que pour avoir son agrément, il faut qu'ils passent par leur chemin. Abdullah ibn Mas'ud te dire, de nous dire radiallahu anhu wa arda, comme il est rapporté par dans le Tabaqat, le Kubra ibn Sa'd, et chez Tabarani et d'autres. Il dit, rahimahullah ta'ala, wa radiyallahu anhu wa arda, l'islam de Omar ibn al-Khattab était une conquête et une grande ouverture. Sa hijra était un triomphe. La hijra de Omar ibn al-Khattab était un triomphe. Et son gouverneur, quand il était le khalif et le prince des croyants, c'était une clémence d'Allah, azza wa jal. Il dit par Allah, nous n'avions pas pu prier à la Kaaba et autour de la Kaaba que jusqu'à ce que Omar soit converti. C'est-à-dire, avant la conversion de Omar, ils n'ont pas pu prier à côté de la Kaaba. Hein? Et une fois que Omar s'est converti, il a combattu et il a débattu et il s'est, hein? Il a fait front à. Hein? À Quraysh, jusqu'à ce que les nobles compagnons ont pu prier hein, à côté de la maison sacrée. Radiallahu anhu arda. Omar ibn Khattab akhal islam, awwal man jahara bil islam fi Mecca. Omar ibn Khattab, c'est le premier qui a déclaré son islam haut et fort devant tout le monde à la Mecque. يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن عباس dans ce qui est rapporté par Tabarani رحمه الله تعالى il dit le premier qui a déclaré son islam en public c'est عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وأجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن أفضل البشر بعد الأنبياء أبي بكر بعد الأنبياء وأبي بكر هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه et l'unanimité de la communauté les aïeux avant les plus aïeux de Allah avant et ceux qui leur ont succédé et ceux qui vont arriver et qui veulent être sur la voie de leur plus aïeux d'Allah leur croyance que le meilleur de cette communauté après les prophètes et après Abu Bakr c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu arda qu'on déplaise à ceux qui détestent les nobles compagnons radiyallahu anhu arda ou ceux qui les insultent ici eux qui méritent les insultes ce sont des gens que Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi pour faire triompher cette religion قال النووي رحمه الله تعالى اتفق أهل السنة على أن أفضلهم أي الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر ثم عمر اي نووي رحمة الله عليه كنت لا في الانتخابتين صحيح مسلم إلا دي Ils sont à l'unanimité, les gens de la sunna sont dans l'unanimité, hein, ils sont tous d'accord que le meilleur de cette communauté après, parmi les compagnons après Abu Bakr, c'est Omar radiallahu anhu arda. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه مجمعين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ذو الفتاوى ذو منهاج السنة إذن العقيدة الواسطية أدي رحمه الله تعالى وغفر له. Les gens de la sunna sont dans, sur l'unanimité de ce qui a été rapporté par Ali radiallahu ta'ala nouarda par plusieurs voies de transmission que Ali radiallahu ta'ala nouarda a dit qu'on déplaise Allah que les meilleurs de cette communauté après son prophète alayhi salam, ce sont Abu Bakr et Omar, et puis Omar, radiyallahu anhu majma'in. Fa'in baghil al-muslim an ya'taqida a'tiqadan jaziman an afdal hadhihi al-ummati ba'da nabiha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa Abi Bakr as-Siddiq huwa عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ومن اعتقد خلاف ذلك أو سب عمر أو لعنه فهو مبتدع زنديق خبيث رافضي عليه من الله ما يستحق ونحن في زمان كثر فيه سب خيرة الناس بعد الأنبياء عبر الصحف وعبر المواقع وعبر الفضائيات. Donc il est du devoir du musulman de croire irréfutablement, une croyance dans laquelle il n'y a aucun doute, que les meilleurs de cette communauté, le meilleur de cette communauté, après le messager d'Allah et après Abu Bakr, c'est Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa arda. Et celui qui croit quelque chose qui est contraire à ça, ou qui insulte Omar, ou qui le dénigre, ou qu'il maudit, ben c'est un innovateur zindir, ça veut dire hypocrite, impur, rafidi. Il a d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il mérite, s'il ne se repent pas. Et nous sommes à une époque où tu entends à travers Internet, à travers les chaînes de télé, à travers les écrits, etc., les insultes sur le noble compagnon de Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitna wa yarzuqna wa iyyakum hubb sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa hubbuhum deenun wa islamun wa iman wa ihsan wa bughduhum kufrun wa tughyanun wa nifaq kama jaa fi al-aqidah at-tahawiyah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à tous l'amour de ses nobles compagnons ridwanullah alayhim et leur suivi aussi. Car le fait de résumer, c'est la religion, c'est l'islam, c'est la foi et c'est la bienfaisance. Et le fait de les détester, c'est la mécréance, c'est l'hypocrisie, c'est dépasser ses limites comme il est rapporté dans l'aqida Tahawiya et dans l'aqida des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Wa fada'il Omar kathira jiddan. Omar mubashar bil janna fi hayatihi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et les vertus d'Omar ibn al-Khattab sont nombreux. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé le paradis. J'a عند l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala wa ghafara lah. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله. Dans ce qui est rapporté chez l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit alors que j'étais au sommeil, je me suis vu me promener au paradis. D'un coup, je vois une femme qui fait ses ablutions à côté d'un palais. Et je dis, c'est à qui ce palais? On me dit, c'est à Omar. Et je me suis rappelé la ghayra, la jalousie, hein, la ghayra que doit avoir l'homme sur ses femmes, de Omar, et j'ai reculé, je n'ai pas avancé pour rentrer. Quand Omar ibn Khattab a entendu ceci, il a pleuré, il a dit, hein, je vais pas faire de la ghayra contre toi, Rasulallah. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت حشفة فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا فقال لعمر فأردت أن أدخله فانظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله عليك أخاف وهذا كذلك عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى إجابر بن عبد الله رضي الله عنه ذنودي يقول رسول صلى الله عليه وسلم dit je me suis vu rentrer au paradis et tout d'un coup je vois la Rumaysa la femme d'Abi Talha et j'ai entendu les clapements depuis Bilal رضي الله عنه وارضاه et j'ai vu un palais dans lequel se trouve une jeune fille. Et j'ai dit, c'est à qui ce palais? On m'a dit, c'est à Omar. Je voulais rentrer pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, et je me suis rappelé à Omar Taghira. Hein? Et Omar a dit, je sacrifierai pour toi ma mère, mon père, et Rasulallah, c'est pas contre toi, je vais avoir la ghayra. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من داب فقلت لمن هذا فقالوا لشاب من قريش فظننت أني أناه فقلت ومن هو قالوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هذا في السلسلة عند الشيخ ناصر رحمه الله تعالى وغفر له إيه أنس بن مالك ذو نذير Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis rentré au paradis. Tout d'un coup, je vois un palais en or. Et je dis, à qui appartient ce palais? Il m'a répondu, il appartient à un jeune de Quraysh. Et j'ai cru qu'il était à moi. Et j'ai posé la question, c'est qui ce jeune? On m'a dit, c'est Omar ibn Khattab. Et le hadith, il est rapporté par Cheikh Nasr, rahmatullah alayhi, il a cité dans la chaîne des authentiques. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة ها إيه عبد الرحمن بن عوف de nous dire de citer le hadith vous avez entendu lors de la biographie d'Abu Bakr Siddiq dans lequel Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a cité les 10 qui sont promis au paradis et il a dit J'ai entendu le prophète Ali Sattin me dire qu'Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis, Uthman est au paradis, Ali au paradis jusqu'à la fin des autres, les 6 autres qui manquent. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة إلى بستان فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو أبو بكر فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم استفتح رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان رضي الله عنه وارضاه فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان ايه دون حديث التومتيك دبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه اللي جيتي ها avec le prophète عليه الصلاة والسلام dans un jardin. Et tout d'un coup, il y a un homme qui vient demander l'autorisation de rentrer. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, donne-lui l'autorisation, laisse-le rentrer et annonce-lui le paradis. Quand il lui a ouvert la porte, il lui a annoncé le paradis, c'était Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu arda. Un deuxième homme a fait la même chose. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ouvre-lui et fais-le rentrer et annonce-lui le paradis. C'était Omar, radiyallahu anhu arda. Un troisième homme est arrivé. Et il a demandé l'autorisation pour rentrer. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, annonce-lui le paradis pour une épreuve et avec une épreuve qu'il va subir. Et c'était Uthman radiallahu anhu arda. Uthman a fait les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, Allahu musta'al, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, je cherche aide. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر عمر بن الخطاب بالجنة ويخبره بأنه رأى قصره في الجنة ثم يأتي مبتدع زنديق رافدي خبيث يتقرب إلى الله بسب عمر ولعنه سبحانك هذا بهتان عظيم. Voyez que dans ces nobles hadiths qui sont rapportés par l'imam Bukhari رحمه الله تعالى, le summum de l'authenticité. Hein? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam annonce le paradis à Omar ibn Khattab. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a vu, il dit, j'ai vu le palais de Omar ibn Khattab au paradis. Et après, t'arrives un innovateur, un zindiq, un rafidi, un pur, et il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par le fait d'insulter ce noble, hein, compagnon, et de le maudire. Hein? Et ceci, c'est un énorme blasphème. Hein? عمر بن الخطاب أخى الإسلام دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. عمر بن الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوفي دي زيلوج il lui a fait des dua. Il y a aucun doute que les dua des prophètes عليه الصلاة والسلام sont exaucés من الله عز وجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى على في سنن الترمذي وهو في الصحيحة كذلك قال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقعد سيتي لونج دو بروفيت عليه الصلاة والسلام pour comprendre le sens qui dénigre عمر بن الخطاب et les nobles compagnons. Dans ce hadith authentique authentifié par Sheikh Nasser quand il a fait son commentaire de l'authentification de Sunan Tirmidhi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il devait y avoir un prophète après moi, ça aurait été Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Le véridique, qui n'indique la vérité, et qui est le dernier messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, par l'insi de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et les insensés, hein, par le mal et dénigre, Farouk, radiyallahu anhu, Allah. وقال صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون ملهمون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم a dit dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, il a dit dans les autres communautés il y avait des gens qui leur arrivent des idées sûres dans leur cœur, hein. Il dit, s'il devait en avoir dans cette communauté, ça aurait été Omar, radiallahu anhu arda. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma a'izzaddina bi'ahadi hadayni rajulayni, bi'ahabbi hadayni rajulayni ilayk. Abi Jahl ibn Hisham, ou Omar ibn al-Khattab. يقول ابن عمر رضي الله عنه فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam faisait ce dua, comme il est rapporté dans Sahih ibn Hibban. Il dit, oh Allah, honore l'islam et donne la force à la religion avec l'homme que tu aimes le plus parmi ces deux-là, Abu Jahl ou Omar ibn al-Khattab. Et Abdullah ibn Omar de nous dire, et l'homme qui était le plus aimé min Allah azza wa jalla était Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. ها هو كذلك في صحيح ابن حبان والحديث علق عليه الإمام الألباني رحمه الله عليه في سنن ابن ماجه. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, honore l'islam et renforce l'islam avec Omar ibn al-Khattab en particulier. Le hadith a reçu les commentaires de Cheikh Nasser rahmatullah alayhi quand il a fait le commentaire de Sunan ibn Majah. Et il a dit, hein, qu'il est authentique sans la phrase en particulier. Juste la phrase en particulier, il l'a. فبعد هذا التناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصادق المصدوق ومن الذي بعث رحمة للعالمين لعمر تأتيك الزنادقة والخبثاء والرافضة ويسبونه ويلعنونه قاتلهم الله أن يؤفكون. Après ces éloges et cette énorme dua du messager alayhi salatu wassalam pour Omar radiallahu anhu wa ardah, t'arrives les hypocrites, les impurs, les rafidis, ils insultent, ils maudissent Omar ibn al-Khattab. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les combat. Omar ibn al-Khattab akha al-Islam rajulun yakhafu minhu al-shaytan wa yahrab minhu al-shaytan. Omar ibn al-Khattab, frère Allah Azza wa Jal, est un homme, Shaitan il a peur de lui. Shaitan se sauve de Omar ibn al-Khattab. كان الفاروق عمر له هيبة في قلوب الناس وكانت شياطين الجن والإنس تهرب منه. الفاروق les gens avaient peur de lui. Il était trop craint. Les gens le craignaient beaucoup. Les shayatin, des humains et des djinns, ils avaient peur de lui se sauver de là où il est. رضي الله عنه وارضاه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قمنا فبادرنا بالحجاب فبادرنا الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب فقال عمر فأنت أحق أن يهبنك يا أن يهبنا يا رسول الله ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك ما لقيك الشيطان سالكا طريقا إلا سلك طريقا آخر رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى سعد بن أبي وقاص de nous rapporter comme il est rapporté de nous dire comme il est rapporté par l'imam Bukhari رحمه الله تعالى qu'Omar ibn al-Khattab a demandé l'autorisation pour entrer dans l'un des appartements du prophète alayhi salatu wassalam. Prophète, il y avait des femmes qui sont venues voir le prophète alayhi salatu wassalam et qui ont parlé avec le prophète, qui ont mis du temps, ils ont levé la voix devant le prophète alayhi salatu wassalam. Et quand Omar ibn al-Khattab a demandé, a frappé, a demandé l'autorisation de rentrer, ils ont soigné leurs vêtements, etc. Ils se sont tus, toutes. Ils se sont tus, radiallahu anhu. C'est des compagnons, radiallahu anhu, jami'an. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné l'autorisation à Omar ibn al-Khattab. Et quand Omar ibn al-Khattab est rentré, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam souriait. Et Omar lui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala fasse sourire tes dents, ô messager d'Allah. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, je m'étonne de ces femmes qui étaient devant moi, qui étaient chez moi. Et quand ils t'ont entendu, ils ont entendu ta voix, ils se sont soignés, etc. Ils ont soigné leur hijab. Omar s'est tourné vers les femmes, il leur a dit, mais en priorité, vous devez craindre le messager d'Allah en premier. Il a dit, c'est toi qu'ils doivent craindre en priorité à Rasulallah. Et il s'est tourné. Omar a dit aux femmes, oh, vous, ennemis de vous-même, vous me craignez moi et vous craignez pas le messager d'Allah. Ils ont dit, certes, tu es plus dur. Plus dur que le messager d'Allah, Azza wa Jal. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, eh, Ibn al-Khattab, oh, Omar, par celui qui tient mon âme entre ses mains, Shaitan, il te rencontre dans une rue, il passe dans l'autre, il ne pourra pas passer dans la même rue que toi. Shaitan, il te rencontre dans une rue, il se sauve. Tu ne peux pas passer là où tu es. رضي الله عنه وارضاه. وعن بريدة رضي الله عنها قال وعن بريدة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازي فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب الدف بين يديك بالدف وأتغنى. إيه Buraïda, de nous dire que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam est parti lors d'une ghazwa, il est revenu. Une bataille, et il est revenu. Et quand il est revenu, il y a une servante noire qui est venue le voir, qui lui a dit, « Ah Rasoul Allah, j'avais fait un vœu, que si tu revenais sain hein, de ta bataille, ben je taperai le duf devant toi. Et je chanterai devant toi. » Il ne faut pas croire que ce sont les chants que tu entends maintenant. Abedan a fait l'islam, hein. عندك وياك ها pas chercher des ambiguïtés là où il n'y en a pas. فجعلت تضرب فدخل ابو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فالقت الدف تحت اشتها وجلست عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم là il a commencé à taper son dof, à faire les éloges etc et tout. Abu Bakr Siddiq est rentré chez le messager d'Allah, la femme n'a pas prêté attention, il a continué à taper et à faire son dof et à faire les éloges etc. Uthman est rentré, la même chose. Ali est rentré, il a continué etc. Mais quand Omar ibn Khattab est rentré, il a pris son dof, il l'a mis en bas, il s'est assis dessus, ça y est, plus rien. Hein? ثم قعدت عليه فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر رضي الله عنه وارضاه. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il a vu ce geste, il a dit à Omar, « Shaitan, il a peur de toi, Omar. Shaitan a peur de toi, ya Omar. « Inni kuntu jalisan wa hiya tadrib. Fadakhala Abu Bakr wa hiya tadrib. Thumma dakhala Ali wa hiya tadrib. Thumma dakhala Uthman wa hiya tadrib. Falamma dakhalta anta Omar, alqati duf. » Hein? Ou hada fi sunan al-Tirmidhi, ou fi sahihati kadhalik, Cheikh Nasser, rahmatullahi alayhi. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, Shaitan a peur de toi. Il est rentré, il a fait douf devant moi. Et la femme, quand Abu Bakr est rentré, il a continué à taper son douf. Il n'a pas prêté attention à la rentrée. Ali est rentré, il a continué à taper son douf. Uthman est rentré, il a continué. Mais quand il est rentré, il a jeté son douf. Hein? Ceci est rapporté par Tirmidhi, authentifié par Cheikh Nasser, rahimahullah ta'ala. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغة وصوت صبيان فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها فقال يا عائشة تعالي فانظري فجئت فوضعت لحيتي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه فقال لي أما شبعت قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده اطلع عمر رضي الله عنه فقال فارفض الناس عنها قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر قالت فرجعت ها والحديث صحاه الإمام الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على سنن الترمذي. عائشة de nous dire dans ce qui est rapporté par l'imam Tirmidhi authentifié par Cheikh Nasr رحمة الله عليه dans sunan Tirmidhi dit que رسول صلى الله عليه وسلم était assis et tout d'un coup ils ont entendu un bruit dehors. Hein? Et un bruit et des brouhaha etc. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il a regardé et il a vu que c'était une éthiopienne qui était en train de faire de la chorégraphie ou une danse et autour d'elle il y avait des enfants. Et Aïcha, il a dit, Aïcha, tu veux voir? Et Aïcha s'est levé, il est allé poser sa joue sur l'épaule du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Aïcha a continué à voir cette femme qui dansait, les enfants autour, etc. Et des gens aussi. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu n'as pas assez. Il a dit non. Et Aïcha dit, je voulais voir ma place auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé. Il est resté jusqu'à... Et tout d'un coup, Omar ibn al-Khattab arrive, radiyallahu anhu wa arda. Les gens qui étaient autour de cette danseuse sont partis. Ils se sont dispersés, plus personne. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, Aïcha, je vois les shayatins des humains et les shayatins des djinns se sauver de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda. Et à ce moment-là, Aïcha est retournée. عمر بن الخطاب وافق ربه عز وجل في وقائع متعددة. عمر بن الخطاب ses positions, ses paroles concordaient avec la révélation qui descendait et avec la révélation qui descendait en concordance avec les avis et les oppositions de عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. كان الفاروق رضي الله عنه وارضاه يرى الرؤيا فينزل القرآن موافقا لما رآه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه il voyait un avis, le Coran il descend avec la vie qu'a eu عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. من القائل الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. Et celui qui a dit que la vérité, qui dit le véridique, qui n'a transmis que la vérité, a dit Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir la vérité de la langue de Omar et il a mis la vérité dans le cœur de Omar. Qui a fait cet éloge? Le véridique, il a dit que la vérité, salawatu alayhi wa salamu alayhi. وقال ابن عمر رضي الله عنه ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب فيه شك خارج إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر رضي الله عنه وارضاه. الحديث لي عند الترمذي وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. ابن عمر دي chaque fois qu'il arrive une situation aux gens à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام que les gens aient dit quelque chose et quand Omar a une autre position, le Coran il descend en concordance avec l'avis de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda. Wa hunaka amthila katira ala dhalik. Il y a beaucoup d'exemples sur ça. Qala Omar radiyallahu anhu wafaqtu rabbi fi thalath. Omar ibn al-Khattab dit lui-même j'ai été dans la même voie que la parole de Allah subhanahu wa ta'ala dans trois positions. فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Voyez il a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam si on prenait de la place de Ibrahim alayhi salatu wassalam, ce que vous voyez là où on doit faire la sunna de rak'at à maqam Ibrahim, si on prenait un musalla, si on prie ici à cette place là et tout d'un coup le verset il est descendu avec ce qu'il a dit Omar ibn al-Khattab et prenez de là du maqam Ibrahim à Moussalla. Wa ayatul hijab, et le verset du hijab. Qultu ya Rasulallah law amarta nisa'aka an yahtajibna fa innahu yukallimuhunna al-birr wal-fajir fa nazalat ayatul hijab wa ijtama'a nisa'u an-nabi sallallahu alayhi wasallam fil ghayrati alayhi fa qultu lahunna 'asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna fa nazalat hadhihi al-aya. Et en ce qui concerne le hijab, la même chose. Omar ibn al-Khattab de dire, j'ai dit, ô messager d'Allah, si tu ordonnais à tes femmes de prendre leur hijab, car ceux qui sont dévoués et les pervers leur adressent la parole. Et le verset des hijab est descendu. Les femmes du prophète se sont réunies, ils avaient quelque chose contre Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Omar ibn al-Khattab lui a dit, s'il vous divorce, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui changer mieux. Hein, il va donner d'autres épouses qui sont mieux que vous. Et le verset est descendu aussi. Hein? وقال عمر رضي الله عنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا كذا وكذا وعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر فلما أكترت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها قال يا عمر فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف لم يمكث الله قليلا إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون يا عمر بن الخطاب بن دير رضي الله عنه وارضاه كنت يا إلى مغض عبد الله بن أبي بن سلول لا تد لبكريزي أمدين On a appelé le Rasoul, on a annoncé le Rasoul, on a appelé pour qu'il prie sur Ubay. Sur Ibn Saloul, Abdullah Ibn Saloul. Rasoul s'est mis allé pour le faire et Omar ibn Khattab l'attrape. Il lui dit, ne fais pas, Rasoulallah. Tu vas prier sur Ibn Ubay. Alors qu'il a dit, tel jour il a dit ceci, tel jour il a dit ceci. Il a commencé à citer tout ce qu'il a dit. Hein? Rasoul s'est souri. Il lui a dit, lâche-moi, Omar. Il est parti. Et il a dit à Omar, quand Omar a été, n'a pas voulu lâcher, il a dit, il m'a été donné le choix. Hein? Donc j'ai choisi d'aller prier. Et si je sais, si au-delà de 70 fois que le dua je lui fais, ça va être accepté, j'aurais augmenté plus de 70. Hein? Omar ibn Khattab a dit, et il a prié sur lui, et après il est parti. Il est resté à laps de temps et le verset est descendu. Ne prie sur aucun d'eux. Une fois qu'il est mort, ne prie jamais sur aucun d'eux. Et il ne va pas sur sa tombe. Car ils ont mis cru en Allah, en son messager, ils sont morts, on mort en étant pervers, en étant fait assez con. Hein? قال عمر فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله يومئذ والله ورسوله أعلم رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى إيه عمر على fin de ce hadith il dit je me suis étonné de l'audace que j'avais en face du messager d'Allah Azza wa Jal ce jour là et sauf Allah et son messager ça كذلك في أسار بدر أبا بكر رأى رأيا في أسار بدر وعمر بن الخطاب رأى خلافه ونزل الوحي يؤيد رأي عمر Et en ce qui concerne aussi les prisonniers de la bataille de Badr, Abu Bakr a eu un avis. De prendre une compensation, de les libérer, etc., pour renforcer les musulmans, etc. Omar ibn Khattab, il a dit, chacun de nous, il tue le plus proche à lui. Le Coran est descendu, concordant avec la vie d'Omar ibn Khattab, radiallahu anhu arda. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت هذه الآية من البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير قال فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت الآية في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت الآية في المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال فقال عمر انتهينا والحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على سنن أبي داود والترمذي رحمة الله على الجميع. Et en ce qui concerne l'alcool, Omar ibn al-Khattab dit « Wallah, montre-nous quelque chose de clair et descend sur nous quelque chose de clair sur l'alcool. » Le premier verset, il descend, il te pose des questions. Dans Surat al-Baqarah, il te pose des questions sur l'alcool et sur les jeux d'hasard, alors qu'il y a un grand péché dedans, il y a un grand mal dedans. On a appelé Omar ibn al-Khattab, on lui a récité le verset, et il a dit encore, oh Allah, éclaire-nous sur l'alcool. Un éclaircissement qui sera un remède, une guérison. Et le verset de Surat Nisa a été révélé, ô vous qui avez cru, ne vous approchez pas de la prière en étant sous. Et chaque fois que le mu'addin, il fait l'iqamat salah, il disait, n'approchez pas la prière, derrière le prophète, il dit, n'approchez pas la prière, on est en sous. Et on a appelé Omar ibn al-Khattab, on lui a lu le verset, et il a dit, oh Allah, éclaire-nous sur l'alcool. Et il est descendu le dernier verset, le surat al-Ma'ida, il dit, oh vous qui avez cru, certes l'alcool, les jeux d'hasard, etc. et tout ça, c'est une impureté, c'est un acte du shaitan, évitez-le pour réussir. Car shaitan, certes shaitan, il veut vous divier, il veut instaurer la haine entre vous. Donc, dans l'alcool et dans les jeux d'hasard, il vous dit de tourner de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la prière, est-ce que vous allez vous arrêter? On a appelé Omar ibn al-Khattab, on lui a récité le verset. Et quand la personne qui lui a récité le verset est arrivée, est-ce que vous allez arrêter? Il a dit, oh Allah, on s'est arrêté. Fa Omar ibn al-Khattab, kama sami'ta akha al-Islam, razaqahu Allah subhanahu wa ta'ala sadada fil ra'yi wal isabata fil qawl. فهو رضي الله تعالى عنه وارضاه المحدث الملهم الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه أبعد هذا يأتيك المبتدعة والزنادقة والرافضة ويسبون عمر ويلعنونه سبحانك هذا بهتان عظيم. هنا الله عز وجل عمر بن الخطاب رضي الله سبحانه وتعالى ويدوني ها la grande opinion et l'opinion claire, quand il a une opinion, il l'a dans le mille, direct. Et sa parole, il touche avec la vérité, direct. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala fait que la vérité soit sur la langue de Omar, et dans son cœur. Et après tout ça, t'arrives les innovateurs, les impurs, rafida, les hypocrites, et insultent, ils maudissent Omar. Hein? يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى وغفر له ما أظن أن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ها محمد بن سيرين رحمه الله تعالى de nous dire je ne connais pas, je ne crois pas qu'un homme qui dénigre et qui diminue Abu Bakr et Omar aime le prophète عليه الصلاة والسلام. Ça veut dire que celui qui dénigre Abu Bakr et Omar, ils n'aiment pas le prophète alayhi salatu wassalam. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda shahida lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam bil shahadati wa quwwati al-iman wa ad-din wa al-ilm. Omar ibn al-Khattab akhi, Rasoul sallallahu alayhi wasallam lui a testé comme quoi il va être martyr et la force de la foi. Il lui a attesté la force dans la religion et la force dans la science. Amma shahada akhal islam. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أتبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات رسول الله مات عمر بن الخطاب شهيد ومات عثمان شهيد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر سيموت شهيدا وتحقق ما قاله عليه الصلاة والسلام فقد مات شهيدا على يد الظالم أبي لؤلؤة المجوسي الذي بني له قبر كبير في بلاد الرافضة. كنت ومحتيق دو عمر بن الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم dans le hadith authentique était sur la montagne de Uhud et avec lui Abu Bakr ainsi qu'Omar et Uthman et la montagne de Uhud a bougé. Rasulullah lui a dit reste tranquille Uhud, calme-toi Uhud, sur ton dos il y a un prophète, un véridique et deux martyrs. Et les choses sont arrivées comme les a annoncé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui prouve la véracité de ce messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab, il meurt une mort de martyr. Il a été assassiné par l'injuste, le zoroastrien Abi Lu'lu'a, celui pour lequel, dans le pays d'Yarrafida, on lui a construit un grand sanctuaire. Hein? Et Uthman a été mort martyr aussi par les rebelles. أما قوة الإيمان أخي الإسلام لما قال عمر يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Et quant à la force de la foi de Omar radiallahu anhu arda, un jour il a dit au messager d'Allah, tu es la personne que j'aime le plus, mais j'aime mon nefs plus que toi, mais je t'aime après mon nefs, c'est toi que j'aime le plus dans ce bas monde. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit non, pas encore, par celui qui tient mon âme entre ses mains, pas encore, jusqu'à ce que tu m'aimes plus que moi-même. Omar ibn al-Khattab n'a pas hésité, à laps de temps après il a dit maintenant ya Rasulallah, je t'aime plus que moi-même. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit maintenant ya Omar, c'est-à-dire maintenant tu as la foi complète, tu es arrivé au sommet de la foi. Et c'est une attestation du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكن خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب ولم يكونا موجودان ها فشهد النبي صلى الله عليه وسلم له ولأبو بكر بكمال الإيمان وبقوة الإيمان. إيه concernant toujours la forte foi qu'avait Omar bin Khattab رضي الله تعالى عنه وارضاه, Abu Huraira de nous dire dans ce hadith authentique qu'un jour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était au milieu des compagnons, il leur parlait, il leur dit alors qu'un berger était avec son troupeau, le loup est venu lui prendre une brebis et il a couru jusqu'à ce qu'il ait sauvé sa brebis. Le loup s'est arrêté, il a parlé, il lui a dit qu'il va la garder le jour où il n'y aura que il n'y aura pas de berger, il n'y aura que des fauves. Qui va la garder? Hein? Et leur a dit alors qu'un homme conduisait sa vache, il est monté sur le dos de la vache s'est tournée et lui a dit, hein, je n'ai pas été créé pour ça, j'ai été créé pour labourer le champ et labourer la terre. Les gens ont dit, subhanallah, étant étonnés, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, je crois en cela, ainsi qu'Abu Bakr et ainsi qu'Omar. Alors ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas présents dans l'assemblée. Il dit, moi, je crois en cela, Abu Bakr et Omar y croient aussi. Hein? Ça, c'est une attestation de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi la foi de Omar et d'Abu Bakr était une foi forte. أما الدين أما قوة الدين عند عمر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص أي جمع قميص فمنها ما يبلغ التذي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي علي عمر وعليه قميص اجتره قالوا فما أولته يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الدين الرسول صلى الله عليه وسلم دونسكي غابورتي بار الإمام البخاري والإمام مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه لي جي اونتوندي البروفيت عليه الصلاة والسلام il dit alors que j'étais en sommeil hein j'ai vu une assemblée, il m'a été exposé une assemblée d'hommes, ils ont sur eux des qamis. Certains ont le qamis jusqu'à la poitrine, d'autres plus bas, mais Omar ibn al-Khattab, son qamis, il le traînait. Ils lui ont dit, ya Rasulallah, comment tu l'as interprété? Il lui a dit, je l'ai interprété par la religion. Hein? Par la religion, ça veut dire qu'Omar ibn al-Khattab avait une forte religion par rapport à tous ceux que Rasul, les hommes qu'il avait, Rasulallah, alayhi wa sallam. أما العلم قال صلى الله عليه وسلم فبينما أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الرأي يخرج من ظفري أو في أظفاري ثم ناولت عمر قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له. Quant à la science, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, alors que j'étais en sommeil, j'ai bu du leban. Hein? On appelle les cahiers. Hein? J'en ai bu jusqu'à ce que je vois qu'il sortait de mes angles, de mon angle là, de mes angles. Et après, j'ai donné à Omar ibn al-Khattab. Et on lui a dit, comment tu l'as interprété à Rasulallah? Il lui a dit, je l'ai interprété par la science. Ça veut dire qu'Omar ibn al-Khattab avait un grand héritage du messager alayhi salatu wassalam et du messager alayhi salatu wassalam. Hein? Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui lui atteste ceci. Hein? فبعد شهادة هذه الشهادات من رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر تأتيك الزنادقة وتسبه وتلعنه كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. Et après ces grandes attestations du prophète alayhi salam pour Omar ibn al-Khattab, t'arrives les pervers, les rafidés, les impurs, les innovateurs, ils l'insultent, ils le maudissent. Quelle énorme parole qui sort de leur bouche. Omar ibn al-Khattab akha al-Islam. يحبه الله ويحبه رسول الله ويحبه الصحابة والمؤمنون عمر بن الخطاب خير الله عز وجل الله لام le message d'Allah سبحانه وتعالى لام les nobles compagnons لام et les croyants لام aussi الله يحب عمر ويرضى عنه قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعمر وأبو بكر في مقدمة المهاجرين فلهم رضوان الله ها من الله عز وجل عمر بن الخطاب تيمي من الله عز وجل il est dit dans le verset les premiers qui ont quitté la Mecque vers Médine et leurs alliés et ceux qui les suivent à la perfection Allah subhanahu wa ta'ala les agrée eux ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve Omar et Abu Bakr et Omar sont à la tête des Muhajiroun et de ceux qui ont quitté la Mecque pour Médine pour sauver leur religion et la faire triompher. Et ils ont l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela veut dire qu'ils sont aimés, min Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وعمر رضي الله عنه من أوائل هؤلاء il est dit dans notre verset Allah ramènera des gens qu'il l'aime et lui aussi il les aimera et Omar est la tête de cela رضي الله عنه وارضاه وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الدين بأحب هذين الرجلين إليك أبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب يقول ابن عمر رضي الله عنهما فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الرسول صلى الله عليه وسلم n'a-t-il pas fait الدعاء والله renforce l'islam honore l'islam et honore cette religion avec le plus aimé avec l'homme que tu aimes le plus parmi ces deux hommes Abi Jahl ou Omar ibn al-Khattab Ibn Abdullah ibn Omar de dire que l'homme qui était le plus aimé min Allah Azza wa Jal était Omar ibn al-Khattab parce que c'est avec Omar ibn al-Khattab qu'Allah subhanahu wa ta'ala a renforcé les musulmans wa Rasuluna sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu Omar لما سئل صلوات ربي وسلامه عليه من أحب الناس إليك من الرجال قال أبو بكر قيل ثم من قال عمر رضي الله عنهم أجمعين Et notre messager عليه الصلاة والسلام aime عمر qu'on déplaise à ceux qui les détestent quand la question a été posée à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui est parmi les gens qui tu aimes le plus parmi les hommes, il a dit à Abu Bakr, il a dit après à Rasulallah, il a dit Omar. وَهَذَا أَنَسٌ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةِ قَالَ صلى الله عليه وسلم وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم للرجل فقال الرجل لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم للرجل أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم رضي الله عن أنس رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم Anas de nous rapporter, de nous dire comme il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim qu'un homme a demandé à Rasoul Salah quand est-ce que va arriver l'heure est-ce qu'il y aura la résurrection Rasoul Salah lui a dit qu'est-ce que tu as préparé pour la résurrection tu as préparé quoi pour l'heure il lui a dit rien sauf que j'aime Allah et son messager Rasoul Salah lui a dit tu seras avec ceux que tu aimes Anas de dire, nous étions réjouis par cette parole du messager alayhi salatu salam, quand il a dit, tu seras avec ceux que tu aimes. Et Anas a dit, moi j'aime le prophète, j'aime Abu Bakr et j'aime Omar, et j'espère être avec eux par l'amour que j'ai pour eux, j'espère être avec eux, alors que je n'accomplis pas les mêmes actes qu'ils ont accomplis. Hein? Dire qu'Allah aime Omar. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aime Omar. Les nobles compagnons et les croyants aiment Omar. Akhwat al-Islam, al-mu'minouna fi kulli makanin wa zamanin yuhibbuna ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. ومنهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان فيقال للذين يبغضون أبا بكر وعمر وصحابة رسول الله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أن الله عز وجل les croyants en tout lieu, en tout temps aiment les nobles compagnons comme ils aiment le messager d'Allah, comme ils aiment Allah, ils aiment le messager d'Allah, ils aiment les nobles compagnons de Muhammad alayhi salam et à leur tête Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali et tous les autres compagnons, car le fait de les aimer fait partie de la religion, fait partie de la foi et de la bienfaisance, et le fait de les détester c'est de la mécréance, c'est de l'hypocrisie, c'est dépasser ses limites. Et il dit à ceux qui les détestent, qui détestent les nobles compagnons et à leur tête Abu Bakr et Omar, comme il est dit dans le verset, faites ce que vous voulez, Allah subhanahu wa ta'ala il voit ce que vous faites. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yurzaqna wa iyyakum hubba sahabati rasulillah wa attiba'ahum wa an nalqahu wa nahnu ala manhajihim. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.